Labour comble mon espérance. Au ciel, je triomphe. N'est plus une espérance. Je triomphe, il est heureux. Recevez de ma paix une entière assurance. Souffrez qu'à vos genoux. Que faites-vous? Tu sais, ciel, c'est florise.